Des chatouillis aux pieds, des croquants sur le bidon, des petits gilets sous le mouton. Mon papa, il a deux cas. Et moi, il est bien. Mon